mutations qu'a connues le monde depuis le XVIIIe siècle ont inéluctablement marqué le comportement des êtres humains dans la société en général et dans la chrétienté en particulier. Cela est évident puisque les membres de la chrétienté font partie intégrante de cette même société comme Jésus-Christ notre Seigneur l'avait dit. Il a déclaré dans la Bible, je vous laisse dans le monde. Ces comportements vont dans le sens du déroulement de ce monde. Ces comportements, je le redis encore, ces comportements qui vont dans le sens du déroulement de ce monde, ayant derrière comme chef d'orchestre le prince de ce monde, a affecté et continue à affecter ceux qui sont de Dieu, au point où les 20e et 21e siècles ont fait connaître une nouvelle façon de servir Dieu qui n'est pas selon l'original, c'est-à-dire d'une manière différente de celle des premiers apôtres et disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, plusieurs pensent à tort que la Bible et ses doctrines doivent et devraient évoluer avec les changements de la mode et du monde. Que non! La parole du Seigneur demeure éternellement comme la Bible déclare dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 25 et dans le livre des Psaume chapitre 119, le verset 89 qui dit Oh, ta parole, ô Éternel, subsiste à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. On a alors vu des successions de fausses doctrines introduites depuis des siècles dans les choses de Dieu, au point que ceux qui désirent le servir sont embrouillés, tellement qu'on ne sait plus quelle direction prendre. Pour les enseignements concernant, par exemple, l'enlèvement, le parler en langue, la doctrine de prospérité, la musique dans l'église et bien d'autres, la dîme, le port de voile, ainsi de suite, contactez-nous au plus 237 33 13 91 00. Je recommence. Plus 237 33 13 91 00. Le 75 87 41 21. Le 94 01 94 40. Et souvenez-vous, au Cameroun, nous sommes passés à la numérotation à 9 chiffres. Donc, devant ce numéro, je crois que vous composerez, vous compléterez d'abord, vous composerez d'abord le chiffre 6. Pourquoi le 6? C'est à eux de savoir. Donc, ça, c'est le contact pour avoir d'autres enseignements. Et vous pouvez également l'avoir sur la chaîne YouTube Bamba Iba ou encore nous contacter à l'adresse email. Junior YouTube, vous allez sur YouTube, vous tapez Bamba Iba. Bamba Iba s'écrit B-A-M-B-A, l'espace, puis vous tapez Iba. Iba s'écrit I-B-A. Donc vous contactez également à l'adresse email junior@yahoo.fr. Junior s'écrit junior@yahoo.fr. Junior encore, je reprends l'email. Junior s'écrit junior@yahoo.fr. Vous pouvez également avoir notre Skype sur nous contacter sur Skype Junior de la même façon comme dans l'email Junior junior et vous ajoutez le chiffre 3. Nous sommes disposés à vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Voilà, cela dit, les mutations dont je viens de parler ont complètement défiguré le précieux jardin qui était orné par le Dieu Tout-Puissant et donné à l'homme pour une harmonie parfaite dans la création. Et ce jardin merveilleux est la femme. Oui, la femme. Jardin rempli d'odeurs suaves et de fleurs au parfum d'été. Ce jardin parsemé de carrefours remplis de labyrinthes et d'énigmes a été pollué par le parfum d'une puanteur exécrablement luciférienne. En effet, s'il y a une chose qui a vraiment évolué dans le sens contraire à toute moralité standard selon Dieu, c'est bien ce jardin. Je veux dire la femme, qui est censée apporter la joie et la satisfaction au cœur de l'homme, donc de Dieu. Normalement, un jardin rempli de fleurs, d'arbres et de cours d'eau qui circulent donne de l'oxygène au travers d'une succession d'événements intimement liés de la présence du soleil dans ce jardin à la photosynthèse, puis au rejet des déchets, des gaz carboniques. Chaque chose a sa place et son rôle. Gardez bien ce mot à l'esprit. Chaque chose a sa place et son rôle. Vous remarquerez que La façon que j'essaie de progresser, là, je vais vraiment doucement, contrairement à d'autres enseignements. Telle est la façon dont Dieu, dans son dessein éternel, a placé la femme sur la terre aux côtés de l'homme, en lui assignant sa place et son rôle, bien précis dans son plan à lui. Que s'est-il passé? Que doit faire la femme sur cette terre? Est-elle à sa place aujourd'hui? C'est l'objet de cet enseignement que je vais, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, apporter, dans le but de corriger les uns et encourager le faible reste, le résidu du Seigneur, qui ne se sont pas compromis avec ce monde en pleine décadence. Donc, le but de cet enseignement, c'est de donner et redire ce que la Bible a déjà dit quant à la place et le rôle de la femme dans le dessein de Dieu, et particulièrement dans l'Église. Donc, cet enseignement a pour titre La place et le rôle de la femme dans le dessein de Dieu, et particulièrement dans l'Église. En effet, il y a des femmes qui sont juste séduites par le bouleversement et les standards du monde, parce que leurs pensées sont bombardées à longueur de journée, parce qu'elles voient à la télé, écoutent autour d'elles, dans des radios, n'ayant aucun renseignement sur la pensée de Dieu les concernant. Elles sont alors séduites et conduites à la dérive par le diable, qui est l'ennemi juré de toute loi établie par Dieu. D'autres encore n'aimeraient pas entendre un mot d'une réprimande, tant leur chair est tellement satisfaite de l'orgueil, de la joie éphémère que leur procure la position et le rôle prise dans le monde. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu, le Créateur et connaisseur de toutes choses, a prévu l'Église comme instrument pour montrer ses mystères, ses plans secrets, ses pensées secrètes. La Bible appelle l'Église la colonne et l'appui de la vérité. C'est donc à l'Église qu'il faut se tourner pour voir le rôle et la place que Dieu a assigné à chaque être, et plus précisément à la femme. Dieu parle au travers de l'Église pour montrer l'ordre dans son gouvernement. Nous allons alors explorer les Écritures pour voir cet ordre. Et pour le faire, nous allons considérer la femme à quatre étapes différentes. 1. À la création. 2. À la chute. 3. Quand il parle de chute, il parle de la chute de l'humanité. 3. Sous la loi. Puis en quatrième lieu, où nous allons voir en plus en détail, sous la nouvelle alliance, donc sous la grâce. Donc je recommence encore. Pour voir cette position que Dieu a, le dessein de Dieu pour la femme, sa place et son rôle dans la société, dans le plan divin, je vais considérer cette femme-là dans quatre dimensions, quatre dispensations, bien quatre périodes selon le découpage dans le plan de Dieu. En premier lieu, je vais examiner, et nous allons examiner ensemble, à la création, puis en deuxième lieu à la chute de l'humanité, en troisième lieu sous la loi, lorsque la loi a été donnée par le Seigneur, puis en quatrième lieu, le dernier qui sera vraiment, vraiment houleux, sous la nouvelle alliance. Voilà les quatre piliers qui pourront nous permettre d'explorer et de voir de façon objective le plan de Dieu derrière cette créature merveilleuse qu'est la femme. Voilà, commençons à la création. Prenons le livre de Genèse au chapitre 1. Genèse. Genèse chapitre 1. Oui, puisque c'est dans Genèse qui est fait mention de la création du monde. Genèse chapitre 1. Nous allons lire verset 26 à verset 26 à 31. Dans le verset 26, la Bible déclare: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit. Écoutez très bien. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Verset 31 enfin. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Amen. On voit donc ici, d'abord, dans ce Genèse chapitre 1, nous allons lire un deuxième passage dans le chapitre 2. Nous voyons du verset 26 à 31 que, ici, déjà, à la création, l'homme et la femme ont une mission identique. Donc, on voit ici une mission identique à l'homme et à la femme. Cette mission-là, nous pouvons voir ça clairement dans le verset 28, où il est dit, oh, Dieu parle de la fécondation, multiplication et remplissage, et assujettissement de la terre, et de dominer sur les êtres vivants qui sont sur la terre. On voit très bien que c'est commun, ces choses sont communes, ces choses sont communes à l'homme et à la femme. Donc, à l'origine, l'homme et la femme ont même mission, donc sont identiques dans les rôles. Dans le rôle, nous voyons ici, identiques dans les rôles. Jusque-là, le plan n'est pas encore totalement détaillé. Au verset 2, souvenons ici, c'est la création de l'homme ici, le sixième jour, la création de l'homme et de la femme. Et nous sommes ici, nous savons qu'il s'agit de Dieu, de l'homme esprit ici. Et la femme esprit tel que ça a été créé, les deux esprits ont été créés. Maintenant, lisons le chapitre 2, le chapitre 2 de ce même Genèse. Chapitre 2, nous allons lire le verset 7, puis le verset 15, mais prenez le temps de lire entièrement cela. Le chapitre 2 de Genèse, verset 7, le verset 15, puis le verset 18 à 24. Donc, je commence le verset 7. Le verset 7 dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà la formation de l'homme, la formation de l'homme. Au chapitre 1, il était question de la création de l'homme, deux choses différentes. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà la mission que Dieu confie à l'homme, cultiver le jardin et le garder. Le verset 18 maintenant, on commence à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Soulignez, aide semblable à lui. Le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Vous entendez ça, frère bien-aimé? Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Amen. Quelle révélation! Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen, amen, amen. Déjà, bien aimé, le verset 18 montre deux choses. Dans le verset 18, la Bible déclare que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a dit qu'il va lui faire une aide semblable à lui. La première chose, c'est ici. Le verset 18 montre que ce n'est pas la volonté de Dieu pour une femme d'être indépendante. C'est ce que le verset 18 nous révèle. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour une femme d'être indépendante. La deuxième chose qui ressort du verset 18, c'est que la femme est l'aide de l'homme. Je recommence. La femme est l'aide de l'homme, semblable à l'homme. Donc, de même nature. Pas dans la constitution totale, mais de même nature. Un peu comme la poule est avec le coq. Alléluia. Voilà. Donc, la femme est l'aide de l'homme. Je veux que vous souligniez ce mot aide de l'homme, semblable à lui. Pas l'esclave de l'homme. C'est clairement différent par rapport à la pensée aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a tellement chosifié la femme au point de la prendre comme esclave sexuelle, comme objet sexuel. C'est le constat indéniable qu'on a dans les clips des musiques mondaines, etc. Est-ce que vous comprenez? Le plus triste est que les femmes aiment volontiers ce rôle. Nudité dans les clips, dans la rue, ne sachant pas qu'on est en train de les rabaisser au-dessous du seuil normal de la moralité. Alléluia. Par exemple, quand vous lisez les écrits de Mary Kwan, a interviewé cette femme-là qui a été à l'auteur de la mode de mini-jupe. Imaginez une femme, Mary Kwan, interrogée, on lui demande pourquoi tu as fait les mini-jupes. Elle dit que c'était afin que l'homme ne tarde pas, que l'homme lui saute dessus parce que jadis, les femmes, les rapports sexuels étaient tellement réservés et c'était tellement pudique, telle enceinte qu'il fallait éteindre, comme selon ses dires, il fallait éteindre la lumière, attendre le soir. Donc, le but pour lequel elle a suscité les mini-jupes, c'est que les hommes ne tardent pas. Et pas étonnant qu'après l'apparition des mini-jupes, les viols ont commencé. On a commencé à violer les femmes de façon exponentielle. Est-ce que vous voyez les pensées tordues des esprits démoniaques qui inspirent ces choses-là? Et c'est pour ça qu'il disait que le plus grave, c'est que les femmes aiment volontiers ce rôle-là. Elles sont nues dans la rue, elles ne comprennent pas qu'on les a rabaissées au-dessus du seuil normal, même des choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette bassesse où l'on l'a reléguée même, et même un animal aussi sale que le porc n'a jamais atteint et n'atteindra cela. Amen. Le porc se cache au moins dans la boue et avec la boue. Quand elle passe se coucher dans la boue, là, sa peau, la boue cache sa peau. Mais la femme expose plutôt. Donc Dieu dit ici que la femme est l'aide, un, et semblable à lui, deux. On voit donc à la création que Dieu a voulu l'harmonie entre l'homme et la femme. Remarquez que Dieu a fait l'homme en premier. Et remarquez également que le verset 20, Dieu, l'homme, dans sa mission, dans son travail, pendant qu'il travaillait, il cherchait sa femme. Il n'a pas trouvé de l'aide semblable. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui était semblable à lui. Il pouvait voir le lion avec la lionne, le chat avec la chatte, et ainsi de suite. Mais il ne voit pas quelqu'un qui lui ressemble. Et parce que la Bible déclare qu'il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et la Bible déclare que lorsqu'il nommait les animaux, au verset 22, on dit l'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23 dit l'homme dit voici cette fois celle qui est hausse de mes os, on l'appellera femme. Donc c'est l'homme qui a décidé de donner le nom de femme. C'est terrible comme révélation. Donc, c'est l'homme qui a donné le nom à la femme. Au chapitre 3, le verset 20, on dit clairement là-bas que c'est la femme qui a donné, l'homme a donné le nom Ève. Amen. Donc, on voit donc à la création que Dieu a voulu l'harmonie entre l'homme et la femme. C'est ce qu'il disait. Et le fait que l'homme vienne en première position met directement l'homme à la tête de la femme. C'est clair que le fait que la femme soit l'aide de l'homme montre que c'est celui-ci qui conduit les opérations, la direction. C'est lui qui assistait de la femme. Alléluia. C'est lui qui assistait de la femme. Amen. J'espère que vous me comprenez. Il dit, c'est clair que le fait que la femme soit l'aide de l'homme montre que c'est celui-ci qui conduit les opérations. La direction, c'est lui, assisté de la femme. Voilà l'original. Et voilà le plan parfait mis et établi depuis la création. Dans les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament, nous verrons cela plus clairement. Amen. Donc nous voyons donc très bien que dans les premiers chapitres que nous avons lus, Genèse chapitre 1, verset 26 et à 31, puis chapitre 2, verset 7, 15, 18 à 24, que Dieu a déjà placé l'ordre et nous révèle au travers des Écritures déjà que l'homme vient en première position, la femme ensuite. L'homme a une mission et la femme doit l'accompagner. C'est ce que nous voyons dans ce Genèse chapitre 1 et chapitre 2 de façon superficielle déjà. Sans entrer même dans les profondeurs. Dans un autre enseignement, lorsque le Seigneur voudra, nous entrerons dans les ramifications même de cet enseignement, de ces conséquences, des conséquences même de ces choix et de ces plans du Seigneur par rapport à la famille, l'homme et à la femme et à sa destinée et la destinée de la terre. Amen. Donc, le deuxième pilier que nous allons voir maintenant, entrons à la chute, c'est-à-dire que à la chute de l'humanité. Amen. Et pour cela, nous allons lire à la chute, nous allons lire Genèse chapitre 3. Avançons, puisque nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 3. Nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 17. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Notez le verset 2 déjà. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon, agréable, non. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Notez le verset 16, bien-aimé. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, notez le verset 17, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine. Que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Donc, nous lisons ici dans Genèse chapitre 3, il est question de le péché, la chute de l'homme. Dans cet enseignement, il n'est pas question de l'étude sur le péché originel. Ça, vous pouvez voir ça sur le compte YouTube Bamba Ibardong. J'ai donné à l'entrée de cet enseignement. Vous pouvez aller là-bas, suivre les 7, ou je crois que c'est 7 enseignements par rapport à cela. Par rapport à ce péché sexuel qui a été commis ici. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Si ça vous fracasse, ça vous tracasse, vous laissez-vous continuer avec autre enseignement. Que Dieu vous bénisse de toutes les façons. Donc, ce n'est pas question du péché originel. Mais nous allons voir ici à la chute la position de l'homme. C'est la position de la femme qui nous intéresse ici. La considération et les nouvelles révélations que Dieu a apportées à la modification par rapport à son plan que nous avons lu à la création. Donc, il est clair dans ces passages que certaines données ont été ajoutées par rapport à la création originale, vu ce qui se passe ici dans Genèse chapitre 3. L'une des choses est que l'homme a l'ordre de gouverner, de dominer sur la femme. Ce qu'on vient de lire là au verset 16. L'autre chose est que les désirs de la femme se portent et se porteront vers l'homme. Voilà l'ordre. En réalité, même si les femmes ne veulent pas l'admettre aujourd'hui, le témoignage des Écritures, le témoignage de la nature et même le témoignage des consciences disent que la femme doit se soumettre à l'homme. Un exemple simple de cette règle après la chute et avant la loi est le fait que l'homme pouvait avoir plusieurs femmes. Mais la femme, aussi riche soit-elle, ne pouvait pas avoir plus d'un mari. Et c'est la même chose aujourd'hui. De plus, c'est la femme qui porte le nom de l'homme, comme dans ce Genèse chapitre 3, le verset 20. Pourquoi les femmes alors ne pouvaient pas le faire? Parce que l'ordre que Dieu a établi subsiste. Tes désirs se tourneront vers ton mari, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Deux choses. Désir de la femme se porte vers le mari. Donc la femme soumet son désir sur son mari domine sur lui. Au verset 2 du chapitre 3, nous voyons clairement, la Bible déclare que la femme répondit au serpent. Et nous voyons très bien que la femme n'avait pas le droit de le faire. Alléluia. Donc, on voit par exemple dans ce cas de mariage dont je parlais là, on voit par exemple que Abraham pouvait avoir une femme et des concubines, de même que Jacob, etc. Ça, c'est à la chute. La femme d'autrui est tellement précieuse que même les païens savaient sans la loi que la femme du prochain était interdite. Mais aujourd'hui, les idées tordues des pays occidentaux ont même apporté une abomination dans la famille appelée échangisme. C'est-à-dire que un couple vient et laisse sa femme, l'homme laisse sa femme sous la coupe d'un autre homme, tandis qu'il se livre au péché avec d'autres femmes. Quelle horreur, quelle abomination. Avançons un peu, voilà. Lisons Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Genèse, bien-aimé, chapitre 26. Je vais lire le verset 1 à 11. Prenez même chose hein, avec Genèse chapitre 20 parce que c'est presque la similitude, la même chose qui se passe là-bas. Donc, Genèse chapitre 26, verset 1 à 11, puis Genèse chapitre 20, verset 1 à 11. Nous allons lire. Regardons. Je suis dans Genèse chapitre 26, verset 1 à 11. Déjà, bien-aimé, vous qui venez de me prendre, si tu es en train de m'écouter depuis le début, sache que cet enseignement, je vais aller vraiment doucement et ça risque d'être long. Donc, patiente pour qu'on étudie ensemble la parole au fur et à mesure et laissons Dieu nous guider. Genèse chapitre 26, verset 1 à 11. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps, du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alléluia. Et Isaac resta à Guéra. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Oh, la femme, le jardin, la femme. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Donc, voici le romantisme isaacien. Donc, Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Verset 11, et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peut s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Verset 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Ça, c'est chez les païens. C'est chez les païens. Regardons le chapitre 20. Chapitre 20. Verset 1 à 11 encore. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guéra. Je ne sais pas ce que ces deux groupes-là entendaient toujours, allaient chercher toujours à Guéra. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur, c'est terrible. Abimelech, roi de Guéra, encore un autre roi de Abimelech, fit enlever à Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Vous voyez ça? Elle a un mari. Donc tu as de toucher comme ça la femme d'autrui. Abimelech, qui ne s'était point approché, t'a répondu, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Oh, c'est terrible. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Regardez bien, un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Donc, bien-aimés, regardons très bien ce siècle, un siècle que nous vivons. Dans les temps anciens, même les païens, comme on vient de voir dans le royaume des Philistins, nous voyons qu'un homme a pris la femme de quelqu'un. Il ne connaissait pas sa femme de quelqu'un. Dieu lui a révélé que si tu le fais, tu vas mourir. Et il l'a laissé. Et il a même dit que c'est une chose abominable. C'est un grand péché. Vous pouvez également lire l'histoire de Dina dans Genèse chapitre 34 et de Tamar avec Judas dans Genèse chapitre 38 pour voir ces choses-là. Or, dans le livre de Jérémie, je lis de Jérémie rapidement, Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3, le livre du prophète Jérémie, chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Le verset 1, qu'est-ce que ça dit? Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne sera-t-il pas souillé? Oui, donc le simple fait qu'une femme quitte son mari, va coucher avec l'autre homme et revient coucher avec son mari. La Bible déclare que si cet homme, le premier homme, couche encore avec cette femme, on dit tout le pays sera souillé à cause de cet acte. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Adultère à gogo. C'est terrible. Donc on voit très bien que la place de la femme dans le plan de Dieu est sous l'homme. Et son rôle principal est celui d'aider. J'aimerais bien faire comprendre encore cela une fois de plus. Il dit, on voit que dans le plan de Dieu, la place de la femme est sous l'homme et son rôle principal est celui d'aider. Jamais dans la création originale et dans l'intention du Seigneur Dieu Tout-Puissant, la femme n'était destinée ni désignée à prendre la tête ni les devants. La première fois où elle a fait de son propre gré, elle nous a entraîné dans le cataclysme. Puis-je m'arrêter ici pour dire à chacune des personnes qui me suivent maintenant, de façon individuelle, vos problèmes, dans les moindres détails, est causé par la femme. Oh oui, par la femme. Chaque accident, chaque meurtre qui manque, chaque nourriture qui manque, chaque meurtre dans la ville, chaque manque d'affection, toutes les guerres, la femme est cause. Oui. Si vous manque, il vous manque de l'emploi, vous priez, votre mari n'arrive pas, c'est la femme qui est cause, même si toi tu es une femme. Pourquoi? Parce qu'elle a quitté la place précieuse que son Dieu lui a assignée à la création. Et toute la chaîne alimentaire, l'écosystème en a été affecté. C'est terrible. La Bible dit d'elle que c'est elle qui prend du levain pour la mettre dans 3 mesures de farine. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 33. Ce n'est pas croyable. Quand je parle ainsi, vous pouvez penser que je suis en train de dénigrer les femmes. Que non. La femme a souvent des traits et des qualités morales supérieures à celles de l'homme. Et généralement, elle réfléchit mieux que l'homme. Et plus douce que lui. Parce que son aptitude naturelle le lui impose. Donc loin de moi, l'idée de dénigrer la créature de Dieu. Mais ce que j'essaie de dire est que le fait de te laisser séduire, femme, et quitter la position que Dieu a fixée pour toi, fait de toi une proie pour Satan, une arme de destruction massive, une bombe à défragmentation pour détruire les choses de Dieu. Donc tu deviens par là même un instrument de destruction entre les mains de Lucifer. Veux-tu suivre Lucifer ou Jésus-Christ? Veux-tu continuer avec les principes de Lucifer ou revenir au modèle de la soumission aux volontés du Seigneur Dieu du ciel? Sans entrer encore dans la révélation du plan pour la femme d'après le Nouveau Testament, je t'invite de lire avec moi 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre. On va y revenir tout à l'heure lorsque nous allons toucher dans le cadre sous la grâce. Souvenez-vous. 1 Pierre, chapitre 3. Le livre de Pierre, chapitre 3. Lisons les versets 1 à 6 pour le moment. Il commence. Femme, soyez de même soumises à vos maris. Oh, c'est terrible comme commandement. Femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite, par la conduite, par la conduite de leur femme, par la conduite de leur femme, par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, chaste et réservée. Les femmes, leur conduite, qu'on veut chercher d'elles, c'est une conduite chaste et réservée. Après, il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Vous y êtes. Mais la parure, c'est-à-dire l'ornement intérieur est caché dans le cœur et caché dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Puis il dit, verset 5, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Soumises à leur mari. Les saintes femmes qui espéraient en Dieu étaient soumises à leur mari. Soumises à leur mari. Après, on dit, comme Sarah, dont l'exemple typique, c'est Sarah, puisque nous étions ici dans le livre de Genèse, c'est pour ça que j'y suis allé. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Ne me faites pas parler là maintenant, son Seigneur. Combien de femmes peuvent appeler son mari Seigneur aujourd'hui? C'est terrible seulement. Vous entendez un mari appeler son mari, Jean-Marie, passe ici, on te cherche. Le mari lui demande, prends-moi le plat là-bas, il dit que toi-même, tu ne veux pas que je sois fatigué depuis. Le plat à côté de toi, tu ne peux pas prendre. Quelle insoumission, quelle insubordination. C'est terrible. Il dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Il dit, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien. Donc vous êtes filles de Sarah, si vous faites un peu comme elle, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc voilà pour ce qui concerne les femmes. Est-ce que vous avez entendu les femmes? Donc, beaucoup de choses sont dites ici. La femme, c'est si vous avez des maris, ici on a parlé de, par exemple des femmes croyantes qui n'auraient pas de mari croyant. On dit que ces maris croyants-là pourraient être transformés en voyant votre manière de vivre. En votre manière de vivre, Dieu appelle cela une manière qui lui est dans le cœur, qui est d'un grand prix. Comme au verset 4, il a dit, c'est la manière chaste et réservée. C'est terrible. Que peut-on dire au sorti des deux observations? Les deux observations du début de la création et après la chute. On voit que la place de la femme n'a pas changé. Son rôle non plus. Car les principes du Seigneur sont immuables. Il avance sans changer, mais en ajoutant plus de lumière à la révélation afin que l'homme perçoive ses pensées et ses desseins. En définitive, entre la création et après la chute, c'est-à-dire qu'avant la loi, la femme n'a pas pris de grade dans sa position par rapport à l'homme et n'a non plus diminué. Mais le Créateur a davantage jeté la lumière sur les positions de l'une et de l'autre. Amen. De toute façon, Dieu a dit que ceux qui sont de lui entendront sa voix. Si tu es une fille de Sarah, tu suivras la foi d'Abraham et laissant tous les luxes du palais d'Abimelech à Guérar, tu reviendras très vite dans la marche du pèlerin qui conduit tout citoyen du ciel à regarder tout ici-bas comme la boue et garder ton cœur et tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyons maintenant le troisième pilier. Nous sommes maintenant sous la loi. Souvenons-nous de ces quatre piliers. J'ai dit que je devais parler à la création, à la chute, sous la loi et sous la grâce. J'essaie de faire vite pour que nous entrions en plein dans la quatrième partie parce que la quatrième partie aura vraiment beaucoup de ramifications. Donc, sous la loi, en lisant 1 Corinthiens 14, prenons 1 Corinthiens au chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, je vais d'abord lire, je parle de sous la loi, c'est quand même curieux que sous la loi, je vais d'abord dans le Nouveau Testament. Mais je vais seulement lire un verset. Sous la loi, prenons 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 34 dit, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Amen. Donc, je vais prendre cette expression. L'apôtre Paul dit des femmes qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. C'est cette expression qui m'intéresse dans ce verset parce qu'on va y revenir. L'apôtre Paul dit qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. En lisant ce passage, on s'attendrait à voir un passage aussi. C'est-à-dire que si en lisant, d'après ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, verset 34, on s'attendrait à voir au moins un passage de la loi qui parle de cette soumission. Mais que non. Au lieu de voir un verset qui parle de la soumission de la femme dans la loi, c'est plutôt les épîtres qui en font état massivement. Manifestement, l'apôtre Paul ne parle pas ici d'un verset de l'Écriture, puisqu'il connaît bien l'Écriture, puisqu'il les cite en plus des versets. Il dit par exemple, il est écrit ceci. Ignorez-vous ce que je parle à ceux qui connaissent la loi. Il est écrit dans la loi, par exemple, au verset 21 de ce même livre, il dit, il est écrit dans la loi, c'est pas des hommes d'une autre langue et pas de lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même, dit le Seigneur. Or, vous voyez même que c'est noté dans Ésaïe chapitre 28. Donc, si l'apôtre Paul allait parler, comme c'est dit ici dans la loi, s'il y avait une écriture, il saurait qu'il y a une écriture parlant de cela. Or, au lieu de voir un verset qui parle de cette soumission-là, nous voyons très bien que c'est plutôt le Nouveau Testament qui explique et jette une lumière clairement cela, parce que la majorité des apôtres, sinon tous les autres, en ont parlé. Donc, manifestement, l'apôtre Paul ne parle pas ici d'un verset de l'écriture sous la loi, mais il parle du principe de la femme sous la loi. Amen. Il parle du principe de la femme sous la loi. Avant d'y revenir, prenez le passage d'Ésaïe 3, par exemple. Ésaïe chapitre 3. Ésaïe, par exemple, pour que vous voyez quelque chose. Puisque je viens de citer Ésaïe chapitre 28, le verset 11, où l'apôtre Paul fait état dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 21 et 22, en citant la loi. Donc, je vais par exemple dans Ésaïe chapitre 3, puisqu'il a cité Ésaïe là-bas, il a parlé de la loi dans les Écritures, de la femme dans les Écritures. Donc, je prends le verset 12, la partie B. Donc, ça commence la partie B, lisons le verset 12 du chapitre 3 d'Ésaïe. J'espère que je ne vais pas vite. Donc, Ésaïe chapitre 3, le verset 12 dit, « Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. » Alléluia. Regardez bien, mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Donc ce verset-ci montre clairement que les femmes dominent sur le peuple, c'est terrible. Regardez, parlant de la sorte, Dieu ne veut pas féliciter le peuple ni leur chef, mais il s'indigne du fait que les femmes dominent sur son peuple. Et nous allons voir les causes et les conséquences de cela dans quelques instants, et ceci c'était pour Israël. Nous allons aussi voir cela dans l'Église, ce que cela implique. Donc, je disais que l'apôtre Paul parle des lois par rapport à la soumission de la femme pour parler du principe de cette soumission sous la loi même. Amen. Je vais parcourir quelques textes de la loi pour vous montrer ces principes là-bas. Nous allons voir, arrêter ce que je dis de façon simple, c'est qu'il n'y a pas un verset dans l'Ancien Testament qui dit par exemple que la femme doit être soumise. Non, c'est dans le Nouveau Testament plutôt qu'on voit cela. Curieusement, dans le Nouveau Testament, l'apôtre voudra montrer dans l'Église la façon, la position de la femme. Rentrer dans la loi pour dire que c'est aussi contenu dans la loi. Pourtant, la loi ne dit nulle part pour que le verset de la soumission. Donc, c'est les principes qui sont enseignés depuis l'Ancien Testament que l'apôtre veut soit en effet état. Et c'est donc pour cela que je vais essayer de scruter la loi avec vous pour que nous essayions de voir de part et d'autre ce qui est dit par rapport à la femme. Donc, bien aimé, préparons-nous. Nous allons lire vraiment les Écritures maintenant. Ça commence à aller maintenant. Nous allons commencer par Lévitique au chapitre 12. Donc, allons dans la loi et regardons quelques passages. Lévitique chapitre 12. Je vais lire les versets 1 à 7 du chapitre 12 de Lévitique. Lévitique chapitre 12, versets 1 à 7. La Bible déclare, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose saine et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Verset 5. Si elle enfante une fille, gardez bien ceci à l'esprit. Si elle enfante une fille, verset 2, on avait dit là-bas, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle. Je vais couvrir, souligner un mâle dans le verset 2. Maintenant, le verset 5, on dit, si elle enfante une fille, soulignez une fille, je vais vous montrer quelque chose. Elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Donc voici une loi spécifique pour une femme qui accouche. Et on fait la nette distinction au verset 2 et verset 5, si elle enfante un fils mâle ou un fils, une fille. Et nous voyons très bien que pour un fils mâle, elle a 1 semaine pour se purifier. Regardez bien, verset 2 encore. On dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Remarquez verset 5. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, donc 2 fois 7 jours. Et le verset 2 encore dit, Oui, verset 4 dit, elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Alors que la partie C du verset 5 dit, elle restera 66 jours, deux fois. Donc, pour un homme, pour un enfant mâle, la purification, elle est pure une semaine, elle est impure une semaine, et elle va encore passer 33 jours. Alors que si c'est une fille, elle va faire 2 semaines d'impureté et faire 66 jours. Vous commencez à voir que la façon de traiter entre l'homme et la femme, bien-aimé, ne vous fâchez pas. Nous découvrons dans la Bible ensemble. Et là, nous sommes sous la loi. Donc, ne vous fâchez pas vraiment. Je suis en train de vous le montrer seulement, ça, sous la loi. Nous voyons très bien que la façon d'agir avec Dieu ici, déjà l'homme qui naît et la femme qui naît, c'est différent. C'est déjà ça. Alléluia. Continuons dans Exode. Exode. Je crois que, puisque nous sommes dans le Lévitique là, lisons le chapitre 6. Donc, quittons le Lévitique directement en lisant le Lévitique chapitre 6, le verset 11. Lévitique chapitre 6. Tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi. Nous parlons ici de la loi. C'est la loi sur les holocaustes, la loi sur les offrandes et les offrandes qui sont mangées par les mâles et non par les femmes. Donc ici, nous voyons très bien que dans cette règle sur les holocaustes, on dit sur verset 11, tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. Ouais. Donc, regardez bien. Aaron, s'il a les enfants et que sa postérité, ses descendants se multiplient, il y a des enfants d'Aaron qui sont des femmes, il y a des enfants qui sont des hommes. Mais on dit tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. On ne précise pas que la femme doit manger. On a précisé mâle pour différencier du femelle. Donc, vous voyez très bien que si vous commencez à dire que l'homme, la femme est égaux, est l'égal de l'homme, il y a déjà un problème. Il faut que vous expliquiez le pourquoi la femme ne peut pas manger. Pourquoi la femme ne peut pas entrer dans la tente d'assignation à cause de ses flux, et ainsi de suite. Donc, voilà pour Exode, voilà pour Lévitique. Avançons-nous un peu, parcourons un peu, c'est terrible ce que vous allez entendre. Parcourons Exode maintenant. Rentrons dans Exode. Exode chapitre 21. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse alors que vous écoutez ceci. Alléluia. Amen. Donc, Exode chapitre 21. C'est terrible. C'est terrible. Je vais lire à partir du verset 1. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. C'est terrible. Et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu, et enfin devant le juge, et le fera approcher de la porte ou du poteau de son maître, lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille, écoutez très bien, si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. C'est terrible. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Celui qui frappera un, c'est terrible, bien-aimé, sous la loi. C'est celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Écoutez bien. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, je l'arracherai même de mon hôtel pour le faire mourir. Vous vous souvenez des Joab dans la banlieue de Samuel. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Maintenant 16. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 18. C'est ici que ça devient intéressant. Vraiment. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui l'aura frappé ne sera pas puni dans le cas où l'autre viendra à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni car c'est son agent. Si les hommes se querellent, écoutez bien maintenant, en réalité c'est ici que je vais vous amener, verset 22. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant des juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtrissure pour maîtrissure. Alléluia. Amen. Allons au verset 27. Non, continuons. Si un homme frappe l'œil de son esclave en profane et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave en profane, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en sort la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée. Le maître du bœuf et le maître du bœuf ne sera point puni. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez bien. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Prenons le chapitre 22. J'espère que vous avez vu les conditions là-bas. Regardez bien. Regardez. Regardez. Verset 32, les gens de verset 32 avant de sortir d'ici. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. C'est terrible. Bon, allons au chapitre 22. Chapitre 22, le verset 29. Le verset 29 dit, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier né de tes fils. Il n'est jamais fait mention sous la loi de donner le premier né des filles. Et vous allez voir tout cela tout au long des Écritures. On va voir ça tout à l'heure en parcourant cela. Chapitre 23. Alors, avançons au chapitre 23. Chapitre 23, je sais que vous ne voyez pas clairement ce qu'on a de présenter, mais je vais lire seulement que vous compreniez la façon que Dieu se comporte avec les femmes sous la loi. Et vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul a entendu parler de, comme le dit aussi la loi, qu'elle doit se soumettre, qu'elle est aussi dans la soumission, comme le dit aussi la loi. Exode toujours, Exode chapitre 23, le verset 17, regardez. Les pasteurs aiment ça maintenant sous la grâce, regardez. Verset 17 du chapitre 23. Verset 17 dit, trois fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, ce sont des mâles qui devaient se présenter devant le Seigneur pendant les trois fois grandes fêtes annuelles. Amen. Aujourd'hui, les pasteurs disent en disant, on va voir cela dans le détail tout à l'heure, et l'on ne se présentera pas dans les mêmes vides. Or, on parle des mâles qui devaient se présenter les trois fêtes pendant les trois grandes fêtes annuelles. Mais on dit qu'ils doivent se présenter les mêmes vides. Les femmes viennent se présenter maintenant, on prend de l'argent, mais on veut prendre le même verset pour parler, alors que ça ne dit pas la même chose. Que Dieu se vienne en aide. Chapitre 29. Chapitre 29 de Exode, verset 7 à 10. Exode chapitre 29, verset 7 à 10. Exode chapitre 29, verset 7 à 10. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu. Ça, c'est. On parle de la consécration des sacrificateurs ici sous la loi. Et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, écoutez bien, ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu l'attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartient par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation. Aaron et ses fils poseront les mains sur la tête du taureau. Nous voyons ici clairement que sous la loi, ce sont les enfants, les hommes qui étaient dans le sacerdoce. Le sacerdoce dit sous Aaron et Lévite. Les femmes n'étaient pas admises. Les femmes n'étaient pas admises aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on le voit. Nous allons voir ça dans les détails. Chapitre 34, avançons. Chapitre 34 de ce livre d'Exode. Nous allons lire le verset 19 et 20, puis le verset 23. 34, le verset 19 et 20. Verset 19. La Bible déclare, tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menus butins. Donc, vous savez que Dieu avait le droit sur les premiers-nés. Il n'y a aucun premier-né femme que Dieu va admettre pour prendre pour lui, parce qu'il y a un plan derrière. Le verset 20 dit, tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Vous voyez? Vous voyez, c'est voilà le verset qu'ils aiment. Donc, il veut seulement montrer ici que ce sont les premiers-nés mâles de mal qui se présentait devant le Seigneur. Le verset 23 dit quoi? Trois fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc c'est dans ce contexte-ci que les mâles se présentaient dans les trois fêtes annuelles qui sont décrites dans le Lévitique au chapitre 16 à 25. C'est cette fête-là où les mâles devaient se présenter et n'est pas venu le même vide. Pasteur, pentecôtiste, bouffeur d'argent. Donc j'avance ici. Allons maintenant dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 22. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Je vais lire les versets 13 à 21. Deutéronome chapitre 22. Verset 13 à 21. Écoutez bien. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, si lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Soulignez, je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de la virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. C'est un défi aujourd'hui pour la virginité. Il dit bien, c'est un défi aujourd'hui. Vous voyez que le simple fait même d'avoir une fille qui n'était pas vierge pourrait pousser à la répudiation. Et s'il y avait une preuve que la fille était vierge, le mari ne pourrait pas se séparer. Voilà pourquoi vous allez voir cette dérive-là qui a eu lieu en Genèse chapitre 34 lorsque Dina a été violée par Sichem là. Et les gens ont tué. Et puis, on a finalement donné les prophéties à Simeon et à Lévi là-bas. À Simeon et à son frère. Donc, regardez très bien comment on précise au verset 19. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge en Israël. Donc, c'était précieux pour les femmes d'être vierges. Je m'adresse aux femmes. Combien sont aujourd'hui? Prenez seulement dans la tranche d'âge de 15 à 20 ans. Regarde-toi toi-même, toi qui m'écoutes actuellement, jeune femme. À quel âge, à cet âge, non marié, es-tu encore vierge? Réponds toi-même. À partir de 15 ans, on connaît déjà des hommes, pas 10 ans même. À notre âge, on dit même que la plus jeune mère a 8 ans, d'autres 9 ans. Mais c'est terrible. Donc ici, on dit verset 20. Mais si le fait est, regardez bien, si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, écoutez bien, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, je vous pose une question. Si cette loi, si on venait à appliquer ça maintenant, combien parmi vous, là, les femmes, là, vous resterez sur cette terre-ci? C'est dire que si on vous frappe à cause du fait que vous n'êtes pas vierge. C'est terrible. Les boulevards que les jeunes filles ont maintenant, là. Donc, maintenant, regardez. On dit ici que l'une des choses que la loi présente, c'est que la condition pour une femme de rester dans le mariage était la virginité. La virginité n'a jamais été requise aux hommes, mais c'était à la femme. Je veux que vous voyez encore cet aspect. Le seul endroit dans la Bible où on requiert la virginité aux hommes, c'est les 144 000 membres, les hommes de l'église, des 144 000 d'Apocalypse. Les 144 000, je ne parle pas au témoin de Jéhovah, je m'adresse aux enfants du Seigneur Jésus-Christ. Les 144 000 sont des juifs. Et ce sont 44 000 hommes. Il n'y a pas de femmes parmi. On dit que ce sont des hommes qui n'ont point connu des femmes. Ils sont vierges. Parce qu'ils n'ont jamais couché avec des femmes. Donc c'est uniquement dans cet endroit qu'on reclaire la virginité aux femmes. Donc remarquez ici, vous ne verrez nulle part dans l'ancienne alliance où on a dit que si la femme vient et que son mari n'est pas vierge, c'est même insensé. La virginité est requise à la femme et non à l'homme. Et on a dit que si cette femme s'est trouvée qu'elle n'est peut-être pas vierge, on va la lapider. C'est-à-dire on va la tuer avec le coup de caillou, comme on a lapidé Étienne là, jusqu'à ce qu'elle va mourir, va s'en suivre, parce qu'elle a commis une infamie en Israël. Donc, imaginez un péché sexuel. Le fait qu'une fille soit déviégée était non de son mari était passible de mort. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Les gens, même les chrétiens, commencent à parler de petit amétisme et ça devient comme si c'était vraiment normal. Pourtant, ce sont des choses, une condition à mort. Mais souvenez-vous, le Dieu qui punit les gens pour la fornication a dit dans le Nouveau Testament que c'est le feu cette fois-ci. Allons-y maintenant. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 22. Allons au chapitre 21 de ce Deutéronome. Lisons les versets 10 à 17. Chapitre 20. chapitre 20, verset 10 à 17. Je crois que verset 10 à 17, chapitre 20 de Deutéronome, verset 10 à 17 dit, verset 10 à 17, amen, amen, amen. Deutéronome chapitre 20, verset 10 à 17. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Écoutez bien. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Écoutez très bien. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. Verset 15. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Vous entendez cela? Verset 17. Car tu dévoreras ces peuples par interdit, les Essiens, les Amoriens, ainsi de suite, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Donc on voit ici que lorsque les Juifs devaient prendre ce pays-là, ils devaient tuer tous les hommes, mais prendre les femmes. Les femmes, on ne te pose pas de questions, on te prend seulement. Est-ce que vous entendez? Continuons, allons-y, au chapitre 24. Allons dans. Écoutons, vous allez vous fâcher, mais avec la parole, je vous le dis. Mais nous sommes sous la loi, je suis en train d'expliquer les principes du Seigneur. Souvenez-vous de cela. Chapitre 24 de Deutéronome toujours. Deutéronome chapitre 24. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Verset 2. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien, si ce dernier homme qu'il a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point du péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc, dit le péché de l'adultère seulement même souille le pays. Combien les chefs d'État qui ont... Oh, c'est terrible. Verset 5, il finit rapidement là. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant un an et il réjouira la femme qu'il a prise. Vous voyez, le verset 6 sous-entend directement qu'à l'armée, c'était des hommes seulement. Et la femme devait rester à la maison. Et on dit donc que sinon le militaire se marie, il ne va pas à la guerre, il ne va pas à l'armée pendant un an pour réjouir la femme qu'il a prise. Et ici dans ce passage de Deutéronome 24, verset 1 à 5, nous voyons la condition de la femme. Nous voyons très bien qu'on peut lui donner la lettre de divorce. On pouvait lui donner la lettre de divorce. Mais elle n'avait pas le droit de donner la lettre de divorce parce qu'elle ne pouvait pas trouver quelque chose de criminel qu'elle impute à l'homme. Alléluia. Allons dans le livre de... C'est terrible, hein? Chapitre 25 de Deutéronome aussi. Chapitre 25. Lisons les versets 11 et 12. Versets 11 et 12. Écoutez bien. Lorsque les hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, les femmes, tu lui couperas la main. Tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Est-ce que vous suivez? De toute façon, ce n'est pas moi qui écris cela. Allons maintenant, bien-aimés, allons dans le livre de... On va finir là maintenant. Lisons Nombre au chapitre 30. Prenons le livre de Nombre. Lisons la lettre maintenant. Rendons dans Nombre au chapitre 30. Lisons quelques passages là-bas. Verset 4. Je vais lire le verset 4 jusqu'au verset 17. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux, tous ses engagements, tous les engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Nous voyons très bien donc que quand la femme est à son jeune âge, elle est sous l'autorité du père. Mais c'est lorsqu'elle sera mariée, donc elle quitte cette autorité. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, donc on voit très bien que leur bouche là, ça ne laisse pas, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où elle en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liés seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera aussi le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Nous voyons ici que ce soit dans son jeune âge qu'elle n'est pas mariée, que ce soit son âge, lorsqu'elle a marié, la femme est soumise à son père dans le premier cas et à son mari, deuxième cas. Et telle enseigne que son mari ici a l'autorité pour annuler la parole et les vœux qu'elle a faites. C'est terrible. Sous son parent, son père a le droit d'annuler la parole ou le vœu qu'elle a fait. Verset 10. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Parce qu'il n'y a personne sous ce. Vous remarquez, parce que la femme veuve n'a personne au-dessus d'elle et la femme répudiée n'a personne qui est au-dessus d'elle. Oui, c'est une logique de cela. Verset 11. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari, donc vous voyez que le mari, la femme est sous le toit, sous la couverture, sous l'autorité de son mari. Lorsqu'une femme dans la maison de son père, de son mari, fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance. S'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés. C'est terrible. Soulignez, son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari, écoutez bien verset 14, mais bien aimé, son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Donc, par exemple, une femme, par exemple, je vais prendre un cas simple pour vous saisir ce que j'en ai dit au verset 14. Une femme mariée, je recommence encore, nous sommes sous la loi. Une femme mariée qui, par exemple, prend un engagement qu'aujourd'hui, lundi, je vais jeûner 3 jours pour mortifier mon âme. Je vais jeûner 3 jours. Et son mari dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vais jeûner 3 jours. C'est sorti de ma bouche qu'il veut jeûner 3 jours. Son mari dit que je ne veux pas que tu jeûnes 3 jours. Je vais t'asseoir et si tu manges, à cet instant-là, si elle jeûne, elle fait la grève de la faim. Parce que ça n'aura pas de sens devant Dieu. Ça n'aura pas comme Dieu a dit ici là, que ça n'aura pas de valeur. Parce que son mari a désapprouvé. Mais si son mari dit, si elle dit, je vais jeûner 3 jours, et son mari reste tranquille, alors elle est obligée de jeûner. Amen. Si elle ne jeûne pas dans ce cas, elle commet le péché. La Bible déclare verset 15, s'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Est-ce que vous entendez? Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle dans sa jeunesse, regardez bien, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Amen. Donc nous voyons très bien que sous la loi, il y a des prescriptions relatives qui nous conduisent, en lisant petit à petit, on comprend les principes. Et c'est ça que l'apôtre Paul mentionne dans 1 Corinthiens 14, verset 34. Prenez le temps de lire le chapitre 31 des nombres par rapport au mandianite et au-delà, verset 1 au verset 18. Et chapitre 7 de Ecclésias, verset 7, verset 26, avec Salomon, c'est que Salomon en a dit. Donc, le texte de la loi que l'apôtre Paul parle ne se trouve pas. Mais en lisant aujourd'hui ces textes qu'on vient de parcourir là, les partisans aussi, les partisans des mouvements féministes lisent ça aujourd'hui, ils taxeraient Dieu et Moïse des misogynes, pas vrai? Mais Dieu merci, nous avons évolué. Nous avons évolué jusqu'à sous la glace. Alléluia! Mais le principe de base de notre Dieu ne change point. Donc même si vous taxez le Dieu de la Bible des misogynes, y compris moi-même, c'est de votre droit. Mais sachez tout de même et tout simplement que chacun de nous, chacun de vous et toute personne rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée à Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voyons à la lumière de toutes ces paroles que nous venons de lire que la femme était toujours tenue à l'écart des activités publiques, soumise à l'homme, à la maison de son père ou bien à l'homme à la maison de son mari. Et les mesures pour sa protection et son rôle des mères y sont abondamment révélées. Amen. Amen. Je sais que le Dieu de la Bible est en train de préparer et raffiner par sa parole son peuple. Toute anomalie que Satan avait fait infiltrer dans le cœur de ses enfants seront détruites par la puissante épée de l'esprit. Amen. Je crois que les femmes qui appartiennent vraiment à Jésus-Christ, que Satan avait détournées, en écoutant ceci, seront sûrement réveillées. Retourne à ton Créateur, femme. Retourne, retourne. Amen. Amen. Amen. Donc, avant de passer au quatrième pilier, donc je crois que c'est clair sous la loi que l'apôtre Paul nous a démontré par exemple que sous la loi, la femme doit aussi se soumettre. Et nous sommes allés sous la loi, nous avons vu quelques versets, n'est que quelques versets, parce qu'en les lisant toutes, nous n'en finirons pas aujourd'hui. Donc avant de passer au quatrième pilier, je vous laisse écouter cet extrait musical qui va planter le décor et nous introduire sous la place de la femme et son rôle selon le Nouveau Testament. Je reviens juste après. Après avoir écouté cet extrait musical, Dieu est venu donner la valeur à la femme. C'est lui qui est venu changer l'identité de la femme. La femme qui était condamnée à ne pas prendre la parole. Ce soir, c'est la femme qui va prendre parole. Important. Vous avez suivi les déclarations dans cette musique et j'ai dit tout à l'heure que ça devait meubler. Planter le décor pour nous introduire dans ce quatrième pilier, donc sous la grâce. Bienvenue encore dans cet enseignement sur le thème ô combien important aujourd'hui dans une société où tout repère fixe semble mobile à la vitesse de la lumière et où la moralité décrit la même sinusoïde que les ondes évanescentes. Nous voici en plein dans le quatrième pilier qui aura certainement beaucoup de ramifications, comme je dis tantôt. En effet, plusieurs choses de l'ombre, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, sont mises en lumière par le Nouveau Testament, comme la Bible lui-même le dit, que c'était l'ombre des choses à venir. Et le fait que l'on n'a pas clairement une nette distinction entre certaines notions des deux alliances a amené beaucoup de dérives et d'hérésies dans les choses de Dieu. D'où la nécessité d'éclaircir certains points. Amen. En premier lieu, nous allons différencier un peu les alliances sous la loi dans l'Ancien Testament et sous la grâce dans le Nouveau Testament. Si vous lisez le livre d'Hébreux particulièrement, à partir du chapitre 7, vous allez voir la progression dans la démonstration du fait que l'apôtre Paul essaie d'expliquer dans cet Hébreu-là, si vous voulez, l'apôtre Paul essaie d'expliquer et il explique aux Juifs, aux Hébreux, le pourquoi les choses étaient disposées de manière charnelle, le pourquoi la loi de Moïse avait été donnée, le pourquoi les choses avaient été disposées de telle ou telle manière. Et en expliquant ainsi, il introduit comme ça pour montrer la nouvelle alliance qui était préparée. Comme par exemple dans cet Hébreu, il parle de, c'est par l'expression d'une blâme que Dieu a parlé à Israël, pour montrer qu'il y a une nouvelle alliance qui devient entrée en scène. Donc il faut faire vraiment la différence entre sous la loi et sous la grâce. Voilà pourquoi dans cet enseignement, j'ai découpé ainsi pour qu'on puisse appréhender bien le tableau complet. Donc, l'Ancien Testament repose sur le serment qui a été fait au patriarche. Lisons le psaume 105. Il dit donc, l'Ancien Testament repose sur le serment fait au patriarche. Oui, dans le psaume 105, le verset 6 à 10, qu'est-ce que ça dit? Psaume 105. Il dit, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses alliés. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Écoutez bien, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham est le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Amen. Donc l'Ancien Testament repose sur le serment fait au patriarche. Et le Nouveau Testament, c'est la promesse faite à la postérité d'Abraham. Comme vous pouvez lire dans le livre des Galates au chapitre 3, les versets 29 et puis le verset 16 au mieux. Le verset 16 et le verset 29. Mais il y a une nette distinction entre ces deux alliances. Et il est très important de le préciser, c'est que sous la loi, le culte reposait sur les ordonnances charnelles et avait des défauts, comme la parole de Dieu le dit dans le livre des Hébreux, chapitre 8, verset 7. Ah oui, peut-être vous ne savez pas. Donc, la Bible dit deux choses, comme je viens de citer ici, que c'était l'ordonnance charnelle. Je lis cela dans Hébreux rapidement, parce que ce n'est pas l'objet. Laisse-moi montrer, parce qu'il faut que ça soit vraiment clair. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de l'enseignement, pourquoi je suis obligé de toucher toutes ces choses-ci. Dans Hébreux, chapitre 7, Le verset 16 dit, je vais prendre le verset 15 et verset 16. Verset 15, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, vous avez vu, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Donc pas de l'autre loi comme une ordonnance charnelle. Et j'ai dit au chapitre, j'ai dit que et cette alliance avait des défauts. La Bible déclare au verset 8, puisque nous sommes verset 8, chapitre 8, verset 7, on dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc le verset 6 vient de dire clairement ainsi que la première alliance avait des défauts. Voilà pourquoi on a dû la changer. Dieu a dû la changer. Donc, ces deux choses-là, il faut bien comprendre cela. Donc, quand je dis ordonnance que sous la loi, le culte se reposait sur les ordonnances charnelles, qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler des rituels. Autrement dit, il y avait trois choses majeures qui caractérisaient les ordonnances sous la loi. Il y avait un, la prêtrise, deux, les sacrifices, trois, le lieu. Amen. Quand je parle de la prêtrise, je parle des sacrificateurs, c'est-à-dire les fils d'Aaron, plus les Lévites. Je vais essayer d'expliquer au mieux pour qu'on puisse saisir. Tous les sacrificateurs étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. Donc, il y avait deux classes. Il y avait les sacrificateurs et il y avait les Lévites. Souvenez-vous, les Lévites, Lévi, c'est l'une des 12 tribus d'Israël. Mais dans cette tribu de Lévi, Dieu s'est choisi un groupement de l'homme qui est la descendance d'Aaron, parce que Aaron est issu, est le frère de Moïse, donc Lévite. Et souvenez-vous, c'était toujours des hommes, pas une seule femme. Nous y voilà encore. Donc bien que Myriam, sœur d'Aaron et Moïse soient Lévites, elles n'étaient pas pour autant admises dans le sacerdoce. J'aimerais que ça soit clair. Donc je vais bien expliquer d'abord la sacrificature d'Aaron, par Aaron et ses fils, et puis les Lévites. Donc je vais prendre un exemple simple. Si on prend le monde entier comme Israël, et les Africains comme la tribu de Lévite. On peut prendre les Camerounais comme une partie, comme Aaron. Donc, on va dire, les Africains, c'est la tribu de Lévite. Les Camerounais sont les Africains, mais les Camerounais sont Camerounais. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Autrement dit, les Camerounais représentent Aaron et tout le groupement de l'Africain représente les Lévites. Donc, s'il y a quelque chose qui touche à l'Afrique, le Cameroun peut en faire partie. Mais s'il y a quelque chose qui touche le Cameroun, c'est spécifique pour le Cameroun. Voilà pourquoi ce que les sacrificateurs faisaient, il y a des choses que les Lévites ne pouvaient pas faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, je veux dire, tout Camerounais, dans cette syllogisme-ci, tout Camerounais est africain, mais tout africain n'est pas Camerounais. C'est pour ça que je suis venu dire que tous les sacrificateurs étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. Donc, c'est très important de préciser pour que vous compreniez. Alors, je disais donc qu'il y a trois choses sous la loi, sous l'ancienne alliance qui étaient des rituels charnels. C'est pour ça qu'il est en expliqué l'ordonnance charnelle. Donc, il y a un, la prêtrise. Donc, il faut qu'il y ait des sacrificateurs en différents groupes pour pouvoir le faire. Il faut qu'il y ait des sacrifices à donner. Puis, il faut qu'il y ait le lieu. Dans le désert, c'était la tente d'assignation. Et plus tard, c'était le temple. Ça, c'est sous la loi, l'Ancien Testament. Mais maintenant, observez la nouvelle alliance. Nous lisons dans Hébreux chapitre 9. Lisons dans Hébreux chapitre 9, puis le chapitre 10. Hébreux chapitre 9. C'est terrible. Hébreux chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut, je suis dans Hébreux chapitre 9. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie construit. Dans la partie 1. Antérieur, appelé le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus, vous voyez. Donc, même pour entrer dans la profondeur, ces choses, c'est toujours profond. Or, ces choses étant disposées, les sacrificateurs qui font le service entre, vous avez vu, n'est-ce pas, dont il y a les dispositions charnelles, il y a le lieu de culte, il y a les sacrificateurs qui vont le faire. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde. Le second sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montre par là que, écoutez très bien, le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est important. Tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure, donc c'est une image pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances, écoutez encore, charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc il faut que la réforme vienne pour qu'on passe à ce que Dieu voulait. Maintenant, écoutez, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Soulignez, biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes. Écoutez très bien ça. Le tabernacle où Christ est entré n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Ce n'est même pas sur la terre. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui y sont souillés, sanctifie ou procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, alléluia, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, écoutez très bien, commis sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Je veux que vous compreniez. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré. Donc vous pouvez comment continuer à lire dans ces Hébreux chapitre 9 et chapitre 10. Nous voyons très bien que, donc, en réalité, la nouvelle alliance conduit tous ceux qui y entrent dans le sanctuaire céleste. Amen. Donc, en effet, les trois choses mentionnées dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que j'ai parlé des sacrificateurs, dans la prêtrise, le sacrifice et le temple. Donc, pour la nouvelle alliance, je suis en effet la distinction pour vous qu'on voyait clairement. Souvenez-vous, je suis en train de parler de l'enseignement sur les femmes. Ce n'est pas l'habillement des femmes ici, ça se trouve dans un autre enseignement. Je parle de la place et du rôle de la femme dans les desseins de Dieu et particulièrement dans l'Église. Donc, je suis en train de dire donc que les trois choses, sacrificature, sacrificateur, dont la prêtrise, le sacrifice, le temple, dans la nouvelle alliance, sous la nouvelle alliance, ces choses-là se trouvent réunies en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est d'après Hébreux chapitre 7. Et les autres, le livre suivant, le souverain sacrificateur, on l'appelle là-bas le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il est donc le souverain sacrificateur selon la nouvelle alliance. Et d'après Jean chapitre 1, verset 29, Jean chapitre 1, verset 29, la Bible l'appelle là-bas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire que le sacrifice ultime pour le péché. Donc on voit déjà deux choses. Jésus-Christ d'abord est souverain sacrificateur. Des deux, il est le sacrifice ultime pour le péché. Donc les deux choses donc comptent déjà. Et en dernier lieu donc, le temple où demeure le Dieu qui est esprit est le corps de tous ceux qui ont été amenés à la croix avec Jésus. C'est-à-dire ceux pour qui il a fait expiation. Il les a amenés dans l'alliance avec son sang. Lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire. Les versets 16 et 17 disent, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Écoutez bien, l'apôtre s'adresse aux chrétiens, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc vous êtes le temple de Dieu. Amen. Donc lisons aussi le chapitre 6, parce que nous sommes dans 1 Corinthiens. Chapitre 6 de 1 Corinthiens, le verset 19 dit, Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous entendez ça, frère bien-aimé? Allons au chapitre 12. Chapitre 12. Quand l'Esprit là vient, ce qu'il fait. Au chapitre 12, on dit verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc nous voyons très bien que la Bible nous dit donc que le corps, donc le temple, donc, devient le croyant. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre tous après le livre de Jacques. Donc on a dit Hébreu tout à l'heure. Vous ouvrez Hébreu, après vous êtes dans Jacques, puis après Jacques vous êtes dans 1 Pierre. Chapitre 2, le verset 5 dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 13, il dit que nous avons cette... Parce que si nous savons que nous lui appartenons, quand on demeure à lui par l'Esprit qui nous a donné, son Esprit qui habite en nous. Donc nous voyons très bien que le corps de Christ est son temple. Alléluia. Et ce corps de Christ est constitué de ce corps mystique du Seigneur Jésus. C'est constitué des croyants. On va y revenir dans les détails. Donc en résumé, sous la loi... Sous l'ancienne alliance, on a trois choses. Les sacrificateurs, dont la prêtrise. On a le sacrifice à offrir. On a le temple où il faut l'offrir. Sous la nouvelle alliance, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Il est le sacrifice. Et le chrétien est le temple. Donc le chrétien n'a pas de lieu à aller donner les sacrifices. Il n'y a pas de sacrifice à donner. Il m'adresse au pasteur là maintenant qui parle des sacrifices de péché. Donner le sacrifice d'expiation. Donner le sacrifice de culpabilité. Le sacrifice qui vous est cher. Donc vous voyez dans notre enseignement le sacrifice que Dieu agrée. Demandez cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Donc, quelle est la première conséquence de tout ceci? Jésus dit qu'il est venu pour faire, dans le livre d'Hébreux là, qu'il est venu pour faire dans le rôle, il dit dans le rôle pour le rouleau, il dit que voici, que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, et tu m'as formé un corps, c'est pourquoi il vient pour faire, oh Dieu, ta volonté. Dans le livre, dans le rouleau, il est question de moi. Donc, Jésus-Christ dit qu'il est venu faire la volonté de Dieu. Donc, dans la nouvelle alliance, la volonté parfaite de Dieu est révélé et connu de l'Église, qui est le corps du Sauveur Christ Jésus. Voilà pourquoi Jésus lui-même recommande aux apôtres d'enseigner tout ce qu'il leur a prescrit. On s'attend alors qu'un sujet aussi important comme ce que nous nous abordons ici, que nous soyons vraiment éclairés à partir du Nouveau Testament. Donc, la première conséquence de toute cette démonstration est que personne ne peut affirmer appartenir à Jésus-Christ et rejeter ses commandements. Personne ne peut dire qu'il lui appartient et raisonner ou couper dans ses paroles ce qui lui plaît et rejeter ce qui n'arrange pas sa chair et son intérêt. Non. Tout enfant né de Dieu qui se trouve dans l'erreur examinera vraiment tout ce qu'il fait à la lumière de la parole et du principe du Seigneur. Car il sait que c'est par la parole de Dieu qu'il sera jugé. Amen. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ pouvait dire en Luc chapitre 6, le verset 46, que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Et lui-même encore dérangerait dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui d'un seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. C'est pourquoi il est important que chacun examine ce qu'il fait et a toujours fait si c'est conforme à la parole du Seigneur. Alléluia. Je m'arrête donc ici pour poser cette question à toi qui me suis actuellement. Qui suis-tu depuis? Ton pasteur ou la parole? Combien de fois as-tu par toi-même lu la Bible en entier dans la méditation et la prière? Qui allait à la croix pour toi? Ton père ou Jésus? Ta mère ou Jésus? Ton mari ou Jésus? Ton pasteur ou Jésus? Ta dénomination ou Jésus? Ces questions ont leur place, car si depuis tu n'as pas été enseigné par le Saint-Esprit au travers de la parole lors de tes méditations, alors tu vas certainement te fâcher en écoutant ce que je viens de dire, car tu es sous un joug étranger. Mais les aigles de Dieu ne peuvent manger les puanteurs des charognards. Alors si tu veux être au clair par rapport à la place que tu dois occuper en tant que femme et ton rôle, continue à écouter cet enseignement avec ta Bible et reste dans un esprit de prière et puisse le Seigneur te conduire dans la vérité. Si tu es rebelle voulant faire qu'à ta tête et à ta chair, je te conseille d'arrêter d'écouter et faire autre chose, car tu pourrais avoir un choc et finir par une crise cardiaque. Autre chose à reconsidérer avant d'entrer dans le vif du sujet de ce quatrième pilier, c'est la définition et la compréhension de certains thèmes qui sont utilisés à tort et à travers par les religieux. Et de ce fait, ils ont fini par contaminer le langage et la compréhension de certaines vérités fondamentales des Saintes Écritures. Je vais commencer par le mot Église. La première mention de ce mot se trouve dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16. Donc, bien aimé, vous allez comprendre pourquoi ça nous met cette pilier ici, pourquoi ça ne nous crée pas de pieds d'achoppement. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Lorsque Jésus a posé la question aux disciples, que dit-on que je suis? Au verset 18, il dit: et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici donc la première mention de l'église, et c'est dans le futur que Jésus Christ a dit de conjuguer. Il dit: je bâtirai mon église. Souvenez-vous, c'est l'église du Seigneur Jésus Christ. Ici il s'agit de l'édifice spirituel, parce que la Bible est claire quant à sa définition. Comme nous allons voir tout à l'heure, on a commencé à voir les bribes dans la partie spirituelle du corps, comme on a vu tout à l'heure là dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 et 17, chapitre 6 verset 19, nous avons lu, et 1 Pierre chapitre 2 verset 5, nous avons lu clairement que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ dit dans ce verset, j'ai dit, c'est la première mention du mot église ici dans la Bible. Lorsque c'est mentionné ici, Jésus-Christ nous parle ici du corps spirituel, son corps, son église, ecclésia, appelé hors de ceux qui sont appelés hors de ce système pour le rejoindre. Amen. Donc c'est l'édifice spirituel et c'est l'ensemble des croyants dont Jésus-Christ a parlé. La deuxième mention de ce mot, se trouve toujours dans Matthieu chapitre 18. Avancez seulement. Matthieu chapitre 18, au verset 17. Au verset 17, il dit: c'est quand il y a l'antagonisme entre deux personnes dans l'assemblée, de l'assemblée, la Bible recommande la façon dont il faut faire. Il dit, verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Est-ce que vous comprenez? Ici, il dit, dis-le à l'église. S'il refuse, dis-le à l'église, verset 18. C'est la deuxième mention de l'église. Or, ici, il s'agit de l'église locale. Alors que Jésus disait qu'il bâtirait son église, il s'agit de l'ensemble de tous les croyants qui vont être dans son esprit, qui auront son esprit. Alors qu'ici, au verset 17, nous sommes dans un cas particulier, dans une assemblée locale ici. Donc, les deux mentions de l'église que nous venons de repérer seront les deux connotations du mot dans tout le reste des livres après Matthieu. Donc, dans la Bible, à partir de Matthieu, vous allez voir que la Bible va utiliser l'église tantôt comme l'ensemble des croyants en Christ, et l'église va être utilisée comme étant une localité, ceux des croyants d'une localité. Et dans ces cas, il y a une différenciation. Ok, je veux dire que l'église dans la Bible n'a jamais été référée à un bâtiment ni à un lieu. Alléluia. Je recommence encore. L'église dans la Bible n'a jamais été utilisée pour désigner un lieu ou un bâtiment. Alors vérifions dans la Bible, disons. Tout à l'heure, on a lu 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 13, où il a dit que nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. Maintenant, disons Actes des Apôtres. Allons dans Actes des Apôtres. Vous voyez ce que j'en ai dit. Actes des Apôtres. Mais déjà, vous pouvez avoir ces enseignements. Hein, l'enseignement sur le thème: sortez de Babylone, les églises établies par Satan, sortez de toutes les dénominations, l'église selon Dieu, etc. Sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Ou encore, contactez-nous en quelques lieux que vous soyez. Nous vous les enverrons gratuitement sur les CD, tous les enseignements et bien d'autres enseignements. Amen. Donc, regardons dans la Bible, quelques versets dans la Bible qui parlent de l'Église et essayons de cerner. Donc, et chaque fois, vous allez voir que ce sont ces deux notions qui vont venir. Dans les autres enseignements qui étaient là, vous pouvez voir cela. Ce n'est pas l'objet de cet enseignement, mais il faut que je touche ces choses-ci avant d'avancer. Vous allez voir tout à l'heure que tout ça est connecté. Donc, Actes chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 31. Actes chapitre 9, verset 31 dit: l'église était en paix dans toute la journée. Judée, la Galilée et la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Vous voyez, l'utilisation de l'église ici, si, comme je vous dis, je prends ça pour montrer aux gens qui disent que j'ai mon église, m'en vais à l'église et ainsi de suite. Il dit ici que l'église était en paix. Donc c'est le bâtiment qui était en paix, et la Bible déclare que cette église s'édifiait et marcher dans la crainte du Seigneur, dont les bâtiments marchent dans la crainte du Seigneur. Allons au chapitre 12. C'est terrible. La Bible déclare au chapitre 12, ça c'est lorsque l'emprisonnement de Pierre. Si Oui. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Vous avez vu, les membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Écoutez très bien maintenant, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il y a tellement de versets dans l'Acte des Apôtres, même déjà pour vous montrer tout cela. Or, vous voyez très bien que ici, les gens qui étaient en train de prier, si vous lisez à partir du verset 12, vous allez voir que ces gens-là étaient réunis partout, ils priaient pour Pierre, pour que Dieu intervienne dans la situation de Pierre. Or, on dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. C'est les bâtiments-là qui. Je dis pour ceux qui considèrent l'Église aujourd'hui comme des bâtiments, est-ce que c'est les bâtiments qui prient? Que Dieu vous pardonne. Chapitre 15, verset 1 à 4 encore. Ça, c'est lorsqu'il y a eu antagonisme entre les doctrines pharisaïques et christianiques. Donc, regardons ici. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leur monter à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, écoutez, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Ils causaient une grande joie à tous les frères. Donc on dit que c'est l'Église qui a accompagné les apôtres et Barnabas. Donc pendant qu'ils partaient, par exemple, le bâtiment de l'Église catholique marchait derrière eux pour aller les accompagner. Il faut vraiment que vous reveniez à l'ordre. Verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevaient en disant qu'il fallait circoncis les païens exiger la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Le verset 7 dit, une grande discussion s'étant engagée, Pierre s'éleva et leur dit, bon, de toute façon, on est déjà arrivé là-bas. Oui. Le verset 4, voilà. Verset 4 dit, non, j'ai sauté là. Oh, je m'excuse là, bien-aimé. Verset 4 dit, arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens, et il racontait tout ce que Dieu avait fait avec eux. Donc l'Église les a reçus. Donc les bâtiments ont salué Paul, tendu la main. La tôle a tendu la main pour saluer Paul et Barnabas, que vous êtes bon arrivé. Donc il faut que vous reveniez à l'ordre tout simplement. Un Corinthien, ou bien Romain, commençons par Romain. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, le verset 5 dit. Romains chapitre 16. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Vous voyez, la partie A. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. L'apôtre Paul adresse ici la salutation à l'église qui est dans la maison. Donc vous construisez une maison, vous portez le bâtiment de l'église, allez mettre là-bas, si vous, avec votre entendement d'aujourd'hui, là, du 21e siècle. Que Dieu vous vienne vraiment en aide. 1 Corinthiens, avançons là, 1 Corinthiens. Donc, il dit bien, l'enseignement de l'Église sur l'Église est développé dans d'autres enseignements. Vous pouvez voir cela. Mais il est nécessaire que nous mettions ces jalons. Puisque le Saint-Esprit utilise ceci pour nettoyer vos pensées. Chapitre 16, le verset 19 dit, les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Vous entendez ça, frère? Donc, ça sonne vraiment bizarre avec le 21e siècle, avec la connotation qu'on a de l'Église. Avançons. Philippiens, comment ça s'appelle? Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, verset 14 à 15 dit, Luc le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Demas. Verset 15, saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Donc nous voyons ici que Dieu, dans son plan parfait, a défini dans Matthieu chapitre 16, dans Matthieu chapitre 16 et Matthieu chapitre 18, les deux connotations de l'église, du mot église qui va être utilisé par la suite. Amen. Amen. Donc, dans l'idée, continuons, Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, le verset 5. Maintenant, regardons ce qu'est l'église. Donc, nous voyons très bien ici que l'église, la connotation qu'on a utilisée dans ce 1 Corinthiens 12, 13, Romains, acte 9, 31, acte 12, 1 à 5, acte 15, 1 à 4, puis Colossiens 4 à 4, chapitre 4, Colossiens chapitre 4, verset 15 à verset 14 à 15, ici, on ne voit nulle part où l'église représente un bâtiment. Parce que l'église, on n'en est pas, l'église parle, l'église salue, l'église reçoit. Maintenant, lisons deux versets. deux ou trois versets. Commençons par Romains chapitre 12. Regardez bien, Romains chapitre 12, le verset 5 dit, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. C'est ce qu'on appelle dans le corps de Christ, Ecclésia, le corps de Christ. Allons dans le livre d'Éphésiens, et voir la définition dans là-bas. Éphésiens chapitre 5, alléluia. Le verset chapitre 5, le verset 22, on va y revenir en profondeur tout à l'heure. Le verset 22 dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Voilà encore ça, comme au Seigneur. Écoutez bien verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Écoutez bien, c'est ici le syllogisme. On dit, Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Donc on dit, l'église est le corps. Hein? Je recommence encore. Trois choses ou quatre même sont dites dans ce verset 23. Laissons le mari et la femme pour le moment. Je parle de Christ maintenant à l'église parce qu'il veut toucher l'église. On dit Christ est le chef de l'église qui est son corps. 1. Donc 1. Christ est le chef de l'église. 2. L'église est le corps de Christ. Et 3. Il est le sauveur. Est-ce que Jésus-Christ est allé à la croix pour verser son sang pour le bâtiment de l'église catholique, pour le bâtiment de l'église protestante et pour ton propre bâtiment? Donc ici, c'est l'église dont Jésus-Christ parlait dans Matthieu 16, verset 18, qu'il bâtira son église. C'est de ça dont on parle ici. On dit que cette église-là est le corps de Christ et Jésus-Christ a sauvé cette église. Donc il n'a pas sauvé, Jésus-Christ n'a pas sauvé ton bâtiment. Donc cessez de tromper les gens. Dans Colossiens chapitre 1, verset 18, on dit qu'il est la tête du corps. C'est la tête du corps. Donc c'est Jésus-Christ qui coiffe tous les vrais croyants. Donc si vous voulez faire votre usurpation, faites votre entreprise, soyez archibishop, c'est votre problème, Jésus-Christ ne vous connaît pas. Amen. Amen. Donc, il ressort de ces lectures et bien d'autres encore que contrairement à l'idée reçue et enseignée aujourd'hui, dans la pensée de Dieu, l'Église ne se réfère, ne s'est jamais référée et ne se référera jamais à un bâtiment physique. C'est la mère de toutes les dénominations, les impudiques de la terre, l'Église catholique romaine, qui a commencé cet horrible mensonge en disant que la basilique Saint-Pierre de Rome est bâti sur les restes de Pierre l'apôtre, comme Jésus l'avait déclaré en Matthieu chapitre 16, verset 18. Quel mensonge! Et on voit aujourd'hui que toutes les dénominations, les filles de cette digne fille, de cette grand-mère catholique, sans exception, suivent cette règle. Elles prennent un passage biblique et disent que c'est Dieu qui leur a dit que c'est le nom de leur église. Quel mensonge! Ainsi aujourd'hui, on a la Sainte Église de Dieu, l'Église des rachetés, l'Église des vainqueurs, les témoins de Jéhovah, les avertis du septième jour, l'Église de l'Évangile éternel, l'Église de la manne cachée, l'Église de la vraie Église, la vraie Église de Dieu, etc. Si vous leur demandez, ils vous diront que c'est le Dieu de la Bible qui leur a confié cette prison des âmes. Vraiment, c'est vraiment une prison des âmes. Je vais vous montrer quelque chose, un passage de l'Écriture maintenant. Allons dans Matthieu chapitre 22. Quand il parle de prison des âmes, vous pensez que je pèse vraiment mes mots. C'est la prison des âmes. Matthieu chapitre 22. Je vais lire les versets 15 à 18. Regardez. Versets 15 à 18. Alors les pharisiens, vous voyez, ici aujourd'hui on a les catholiques, les protestants, les ceci, les pentecôtistes, les évangéliques, les ceci, les églises réveillées. Écoutez. Alors les pharisiens allaient se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples, vous voyez, avec les Hérodiens, voilà encore d'autres groupes, qui dit, maître, nous savons que tu es vrai, écoutez, un, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, deux, sans t'inquiéter de personne, trois, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, quatre, dis-nous donc ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous? Après dit, hypocrite. Pourquoi hypocrite? Il dit au verset 16, « Mais nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter des personnes, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Donc, ceux-ci confessent effectivement leur imbécilité. Ils voient très bien, ils sont dans les groupes des Hérodiens et des pharisiens, mais ils déclarent que c'est Jésus qui enseigne la voie de Dieu selon la vérité, sans inquiéter des personnes. Et ils viennent les tenter. Jésus dit hypocrite. Hypocrite parce qu'ils connaissent la vérité. Donc il y a des gens qui sont dans les dénominations, ils connaissent la vérité, mais ils ne savent pas qu'il faut sortir. La confession de ces gens-ci montre clairement que s'ils étaient vraiment des gens qui sont illuminés, des gens qui ont la conscience, qui ont la pensée de Dieu, qui ont le cœur pour Dieu, qui aimaient Dieu, si ces gens savaient aimait vraiment Dieu, il quitterait des groupes des érudits et des pharisiens et se joindrait à Jésus-Christ. Parce que la bouche confesse clairement que Jésus-Christ enseigne la vérité. Il dit que Jésus-Christ enseigne selon la droiture. Dans ce cas, pourquoi ne pas le rejoindre? C'est pour ça qu'il parlait de la prison des âmes. C'est-à-dire que quand tu es à l'intérieur, même quand tu vas sortir souvent les vérités dans ta bouche sans comprendre ce que tu en as dit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, la chose étrange, c'est que toutes les dénominations là disent tenir la vérité tout en niant clairement la Bible dans ses doctrines élémentaires même. Donc mes chères femmes, puisqu'il s'agit principalement de vous dans cet enseignement, il est vraiment nécessaire que vous assimiliez ces notions vraiment élémentaires de l'Église et du mot ministère. Donc je vais parler du ministère tout à l'heure. Amen. Souvenez-vous, je vais parler du ministère, j'ai déjà parlé de l'Église maintenant, je vais parler du ministère, puis je vais vous parler, glisser un peu sous la grâce. Alléluia. Donc, ainsi, on ne dit pas, je m'en vais à l'Église. Alléluia. Oui, c'est ce qu'on entend aujourd'hui du pasteur. C'est quelqu'un qui dit qu'il est docteur en théologie, docteur en ceci. Archive sur révérend, mais vous entendez, sa parole est anti-biblique. Donc, on ne dit pas, je m'en vais à l'Église. Quand vous venez ici à l'église, donnez l'offrande pour la construction de l'église. Ne venez plus en retard à l'église. On ne dit pas de telles bêtises. Venez balayer l'église. Quand j'ai construit mon église, tu étais là. Quand j'ai recevé la révélation pour mon église, tu étais là. C'est terrible. Il vous faut la délivrance. Donc on ne dit pas de telles choses. Ce langage ne serait pas biblique. Amen. Donc voilà pour ce qui est de l'église. Vous allez voir très bien, parce que je suis en train de mettre des jalons pour qu'on puisse comprendre. Parce que le fait qu'on a dénaturé la définition de l'église, on a délocalisé et présenté une autre image maintenant qui n'est pas l'image que la Bible présente. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que, et ce qui est lié, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de ces choses, ce sont les choses de l'écosystème. Quand on bouge un, on bouge tout l'écosystème de la chaîne alimentaire. Quand on a bougé l'église, la définition de l'église, et on a changé en autre chose, c'est clair que les ministères à l'intérieur ont été métamorphosés et on a méprisé la grâce. Donc c'est pour ça qu'il veut définir ces trois notions-là. Parlons maintenant un peu du mot grâce. Lisons donc quelques passages de l'Écriture. Commençons par Romains. Romains chapitre 12 et laissons le Saint-Esprit nous guider. Père, viens en aide à ton Église. Viens, Père. Tu as dit tu bâtiras ton Église et les portes du séjour de monde ne prévendront point contre elle. Et je sais que l'Église subsiste encore, tant que tu n'es pas venu la chercher. Donc, Romains chapitre 12, verset 3, 8, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Écoutez bien, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, écoutez bien, on dit verset 4, non, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, écoutez bien, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. J'aimerais bien faire comprendre ceci à quelqu'un. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte, exhorte à l'exhortation. Et que, verset 8. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec liberté. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ça, c'est le premier verset. Le premier passage que nous allons lire. Romains chapitre 12, verset 3 à 8 nous donne plusieurs choses. Ça nous donne les fonctions, la diversité des dons dans le corps, les diverses grâces dans le corps. Et il montre clairement que c'est pour l'utilité, que chaque membre a besoin de l'un et de l'autre. Et c'est dans la cohésion que cela travaille. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? D'ailleurs, ce que j'en ai dit là, maintenant, vous pouvez suivre ça dans un autre enseignement que nous avons fait. C'est quoi le ministère? C'est développé là-bas, donc c'est manglissime. Nous constatons aujourd'hui que quelqu'un reçoit une grâce de Dieu, si ça vient déjà de Dieu, ouvre quelque part, par exemple, prenons un cas simple qui est ici dehors, les prophéties. Vous allez voir ministère prophétique de ceci, ministère prophétique de cela, ministère prophétique de ceci. Or, vous voyez cette définition, c'est parce qu'on a dénaturé l'église, on a localisé l'église, on a localisé géographiquement l'église comme si c'était un bâtiment. Et par conséquent, il fallait qu'on mette une plaque pour désigner que c'est un ministère. Or, l'apôtre Paul dit ici, verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Or, le ministère, comme nous allons voir, disons, continuons. Colossiens chapitre 4, écoutez très bien. Colossiens, chapitre 4. Merveilleux Seigneur Jésus. Merveilleux. Merveilleux Seigneur Jésus. Colossiens, chapitre 4, verset 17. Regardez bien. Au verset 5, il dit « Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. » Remarquez bien que l'église est dans la maison. Verset 16. « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, donc dans votre maison, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » Est-ce que vous comprenez? Il est comme ça à Colosse. Maintenant, après, il dit « Et dites à Achippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. » Donc, on doit remplir un ministère. Donc, Achippe blaguait avec son ministère. Pas que Achippe avait construit une maison, il a dit Achippe ministre. Et l'apôtre Paul a dit qu'il faut que la construction ne tombe pas. Il a dit qu'il y a un appel, un service, une fonction que Achippe a reçu, un rôle qu'il a reçu à jouer. Il n'y parvient pas à jouer ou bien qu'il y a quelques anomalies avec lui. L'apôtre Paul dit qu'on dise à Achippe que qu'il prenne garde au ministère qu'il a reçu dans le Seigneur. À l'intérieur du Seigneur se trouve le nom. Donc c'est lorsqu'on est dans le corps, par l'esprit, que chacun trouve sa place. Souvenez-vous, vous pouvez aller à l'école biblique, c'est votre problème. Aller n'importe où, c'est votre problème. Dieu ne connaît pas cela. C'est dans le corps, dans l'esprit. Tant qu'on n'est pas dans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas retrouver votre place. Ça, c'est clair. Donc nous voyons ici dans Colossiens chapitre 4, le verset 17, Achippe, à qui l'apôtre Paul a donné un ultimatum de prendre garde au ministère qu'il a reçu. Qu'est-ce qu'il a reçu dans le Seigneur? Le bâtiment ou bien un rôle à jouer? Regardez bien, méditez bien sur ce passage que nous allons lire et voyez vraiment quel mal Satan a fait à l'œuvre de Dieu. Amen. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. C'est terrible. C'est terrible. Je vais vous montrer quelque chose par rapport à ces mots-là. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 9. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 1 à 9. Commençons par là. Verset 1 à 9. Commençons-nous de nouveau. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 9. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin comme quelques-uns de l'aide des recommandations auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, comme connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Vous écoutez bien. Écrite par notre ministère. Ils disent, les Corinthiens sont une lettre écrite par leur ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc les gens, les êtres humains, l'église qui est à Corinthe, l'apôtre Paul dit que ils sont le fruit de leur ministère. Pas eux à Corinthe, l'apôtre Paul a construit un groupe où il a dit Paul ministry, et les gens sont dans son ministère comme on voit aujourd'hui. Mais c'est ce qu'il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Écoutez bien, il nous a rendus capables d'être ministres. Soulignez ce mot. Ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère, souligné, de l'amour gravé sur des lettres, sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère souligné de l'esprit sera-t-il plus glorieux? Si le ministère souligné, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup et de beaucoup supérieur en gloire. Écoutez très bien, non? Moïse, l'apôtre Paul parle du ministère de Moïse en comparant avec le ministère sur l'esprit. Donc, est-ce que dans le désert, Moïse a construit un endroit, il a dit que ministère de la, vous appelez comme il a dit ici, ministère de la mort, ministère de, c'est terrible, ministère de la mort, et, comme, en comparé avec le ministère de la justice. On a parlé des services maintenant, de la dispensation de, et les services que chacun a à rendre. Donc, nous voyons très bien ici que, comme l'église ne se réfère à aucun bâtiment, le ministère ne se réfère nulle part dans la Bible, dans l'Église du Nouveau Testament, au lieu où la personne travaille. Le ministère n'est pas comme au sens mondain, où on parle par exemple du ministère de l'Éducation nationale. Vous pouvez avoir un bâtiment où pour gérer les problèmes de l'Éducation nationale, on y va. On va dans un autre ministère de la Défense, on y va là-bas, on traite des choses de la Défense. Ce n'est pas comme ça dans les choses du Seigneur. Dans la Bible, ce n'est pas la même chose. Dans la Bible, la définition que la Bible donne du mot ministère, c'est contenu dans le mot diakonès, diakonos, qui veut dire service. C'est le service que quelqu'un a, un rôle que tu as joué, la tâche que tu as à remplir. C'est ça le ministère, c'est ça le service. Donc le service n'est pas un lieu. Le service, c'est ce que la personne fait. L'appel que Dieu lui a donné de faire, c'est ça son ministère. C'est ce que la Bible enseigne. Continuons, continuons à explorer. Écoutez très bien. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3, disons chapitre 5. Chapitre 5, verset 19 et 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 et 20. Regardez bien. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous laissons, écoutez bien, j'ai dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 et 20. Ici au verset 20. Nous faisons donc fonction, écoutez bien, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Il n'a pas dit nous avons le ministère, l'ambassade. Il n'y a pas l'ambassade, mais nous faisons fonction, la fonction, le service qu'un ambassadeur fait. Un ambassadeur physiquement a un lieu dans un autre pays qui travaille pour un pays d'où il est ressortissant. Ainsi, les apôtres, les pasteurs que nous sommes, nous faisons fonction d'ambassadeur en ce sens que Christ, notre royaume n'est pas ici, n'est pas de ce monde-ci. Nous sommes ici pour faire parler de ces gens-là à certaines personnes comment être en règle avec notre pays à nous. Amen. Nous faisons donc fonction, les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est de cette chose que la Bible appelle le ministère. Allons dans Actes des Apôtres, au chapitre 6, lorsque le problème s'est posé dans l'église originelle, dans l'église primitive. Chapitre 6, lisons les versets 1 à 4. En ce temps-là, je suis dans Actes chapitre 6, versets 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, écoutez bien, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables, pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons à cet emploi. Écoutez verset 4 enfin, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc le ministère, ce n'est pas un lieu. La parole n'était pas un lieu où les gens devaient venir prendre. La personne qui prêche la parole marche de lieu en lieu selon que Dieu le conduise. Déjà, quelque chose de frappant dans ces versets, c'est puisque nous parlons des femmes. Nous voyons que le Congoussa a commencé, les murmures ont commencé entre les femmes, à cause des femmes. Mais le Saint-Esprit choisit plutôt les hommes pour diriger les femmes. C'est terrible. Alors que normalement, humainement parlant, on pourrait dire que comme ce sont des veuves, on choisit entre les veuves, là, on les donne pour qu'elles se dirigent. Mais le Saint-Esprit dit autrement que c'est cet homme, les êtres humains, les hommes qui sont remplis de l'Esprit qu'il faut chercher. Et c'est eux qu'il faut établir là-dessus. Et la Bible déclare ici au verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Regardez très bien comment c'est écrit. À la prière et au ministère de la parole. Donc ce n'est pas que les apôtres ont un lieu où ils ont construit du ministère de la parole. Ce n'est pas ça. Rema ministry. Ministère shon en ceci. Ministère go en camp. Ministère va et raconte. Ça n'a pas, ce n'est pas biblique. Cassez cela et enlevez cela, mes chers amis. Cassez votre publicité. Ce sont des noms publicitaires que vous avez mis pour attirer les gens à vous, comme le commerce. Ce n'est pas de Dieu. Ici, ceux-ci n'avaient pas besoin de cela. C'est la vie de Christ qui a attiré les gens. La Bible déclare que le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, il ne faut pas mélanger. Amen. 1 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 13. Écoutez très attentivement. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide. Oh, si l'église pouvait entendre ces recommandations du Seigneur avant de choisir les gens au service. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Écoute bien, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, que s'ils sont sans reproche. Vous voyez, donc dans l'assemblée, lorsqu'on choisit les diacres, on va les éprouver. Si on voit qu'ils sont vraiment aptes à faire le service pour lequel ils aspirent, on dit qu'on va les éprouver. Puis, s'ils sont sans reproche, ils entrent dans leur ministère. Pas qu'ils n'ont pas construit maintenant un ministère, ils disent que diacros ministry. Ce n'est pas ça. Verset 11. Les femmes Vous y êtes. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Voilà pour vous, madame. Verset 12, encore, il revient sur les diacres. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc tu peux être en train de faire ta chose aujourd'hui, tu crois que tu as servi Jésus-Christ. On dit ici que ceux qui remplissent convenablement leur ministère, est-ce que tu es au lieu, tu as de faire ce que la Bible déclare, ou bien tu as de faire ce que les gens, tu as trouvé les gens faire. Donc méditez bien sur ces passages. Avançons. 2 Timothée, puisque nous sommes dans 1 Timothée, là. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 5, puis on va revenir dans 1 Thessaloniciens. 2 Timothée chapitre 4, le verset 5 dit quelque chose de merveilleux aussi. La Bible déclare, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » On voit très bien que l'apôtre Timothée allait de lieu en lieu, comme l'apôtre Paul, il établissait ici, va son ministère. Il n'y a pas un Timothéos ministère, il n'y a nulle part où il a écrit comme ça. Donc il dit, « Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Donc dans ton service d'évangéliste, fais cela, fais bien ce que tu as à faire. Après, dans un autre endroit, il va dire il faut que tu mets-toi à la lecture pour que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4. Avant d'aller dans 1 Timothée, c'est 1 Timothée chapitre 4. Parce que nous y sommes. Le verset 6 dit quelque chose. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Donc, un bon ministre, lorsqu'on dit les choses selon la parole, il est évangéliste. On dit nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as suivie exactement. Vous entendez? Donc, Timothée, qui devait faire l'œuvre d'un évangéliste, rempli bien son ministère, il a dû, dans ce cas, en dispensant, c'est la même chose qu'il a suivi de l'apôtre Paul. La Bible l'appelle bon ministre de Christ, de Jésus-Christ. Oh, j'ai entendu un pasteur dire que quand on parle de ministre, c'est comme les ministres de l'État. Donc, on prend chaque fois les choses du monde pour venir coller à l'église du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3, partie du verset 1. Écoutez bien. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ. Vous voyez, il est ministre dans l'évangile. Il n'est pas ministre dans un ministère central quelque part. Pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez que vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Amen. Donc vous voyez très bien que le mot ministère que les gens prennent aujourd'hui, lorsqu'on va dans la Bible, on étudie avec patience, on voit que ça révèle autre chose. Parce que la parole de l'Écriture est toujours claire. La Bible déclare que ces paroles-là, c'est le souffle de Dieu, c'est une expiration. La Bible dit que toute Écriture est expirée de Dieu. C'est expiré de Dieu, donc c'est le souffle, ça vient de l'intérieur de Dieu. Amen. Lisons enfin Romains chapitre 11. Romains chapitre 11 par rapport au ministère. Vous allez comprendre pourquoi, madame, pourquoi ils sont des fouillés là-dedans dans la Bible pour vous en montrer. Il y en a tellement de passages, c'est pas le moment de parler. C'est ce que j'ai dit, c'est développé dans un enseignement, c'est quoi le ministère selon la Bible. Donc, Romains chapitre 11, le verset 13 dit quoi? Romains chapitre 11, verset 13 dit, je vous dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis mon ministère, je glorifie mon ministère. La Bible ne parle pas de féliciter un bâtiment qu'il a conçu quelque part, que non. Il a de se glorifier du service qu'il a à rendre. Donc, c'est tellement dans la joie, il a tellement la sensation forte en lui par rapport au service qu'il rend pour Christ chez les païens, qu'il dit que okay, c'est tellement glorieux. Donc, mes chers amis, nous voyons clairement une fois de plus que les mots de la Bible ne sont pas utilisés de nos jours selon le langage biblique. Aujourd'hui, qu'est-ce que les chefs religieux dites chrétiens, le chef des religions dites chrétiens enseigne aux gens? Si vous comprenez, ils vont construire un tabernacle qui vont mettre église des rachetés, église des vainqueurs du dernier jour, église des saints de Jésus-Christ, la vraie église de Dieu, l'église de la Bible, ainsi de suite. Et vont dire que vous demandez à quelqu'un où est votre ministère. Vous entendez les paroles que les gens étudient aujourd'hui. Ton ministère c'est où? Tu persévères où? Ton église c'est où? C'est terrible comment on a bouleversé. Donc si ce n'est pas vraiment une bande de formateurs, de fous qu'on a aujourd'hui, je ne sais plus quoi dire. Donc, le mélange des cultes païens au christianisme a amené ce christianisme hybride, contrefait que l'on voit aujourd'hui. Donc, je veux que vous compreniez bien deux choses. En premier lieu, l'Église, vous avez compris cela. Deuxième chose, le mot ministère. Le mot ministère que les gens utilisent aujourd'hui, quand à l'instant où vous avez vu quelqu'un dire Réma ministre, c'est si ministre, le ministère va et raconte, ce n'est pas de Dieu parce que ça n'a pas de sens biblique. C'est la première chose. Sinon, comment comprendre que Dieu dise quelque chose et déclare qu'on ne doit rien ajouter dans la parole? Dans Apocalypse 22, versets 18 et 19, dans Proverbe 30, verset 6, dans Romains 3, verset 4, dans Deutéronome 4, verset 2, Dieu passe son temps à dire qu'on doit observer sa parole telle qu'il l'a donnée. Aujourd'hui, on a les cours sur le leadership. Comment être un bon leader? Comment être un bon manager? Comment être un bon mentor? Un mentor efficace. Laissez-moi vous dire, vous qui faites cela, Satan vous a eu. Vous êtes un de ses agents et Dieu te veut à la repentance. Malgré tout ce que tu peux faire, tu peux tordre dans la Bible pour soutenir ta folie, Dieu aura toujours raison. Sa parole n'a jamais ordonné de telles sottises. Toi qui le fais, repends-toi et reviens à l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'évangile de la croix. Si tu veux la popularité et la starmania, alors continue sur cette voie de séduction. Tu sauras plus tard que tu servais Satan et non Jésus-Christ. Un conseil, examine tout ce que tu fais. Si tu ne vois pas cela dans la Bible, rejette cela loin de toi. Tu es en plein territoire de Satan, là, mon cher ami. Tes visions et inspirations viennent du prince des ténèbres. Amen. Avant de finir ceci, permets-moi de te dire ceci. Utiliser un passage biblique pour soutenir ta fausseté ne fera jamais de ce verset un faux verset. Mais la lumière du Saint-Esprit illuminera le dit verset et manifestera en plein jour ta folie. Donc ne tords pas les versets bibliques. Sinon, quand ça va te tordre, tu ne pourras te redresser. Amen. Donc, souvenez-vous que nous parlons de la place et du rôle de la femme dans le dessein de Dieu, et plus particulièrement dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il est nécessaire que je puisse redéfinir et finir avec et retoucher ces mots-là. Vous allez comprendre dans la suite pourquoi je suis en train de faire comme cela. Donc, avec ces deux redéfinitions des mots Église et ministère, nous pouvons alors aborder le quatrième pilier, c'est-à-dire la place et le rôle de la femme sous la grâce, donc dans la nouvelle alliance. Mais avant, écoutons bien les paroles de ce cantique chanté par une sainte femme qui est fidèle à son mari. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés. Car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'Église du Seigneur. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés. Car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'Église du Seigneur. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Voilà, ce cantique a été intitulé Esprit de vérité, vous pouvez l'avoir également sur la chaîne YouTube Bambaïba. Que cette parole soit notre prière aujourd'hui.